même d'amour, ma jolie, même pas que l'argent. Les femmes la baby en femme, c'est ça qui a fait bon problème. Les femmes ça a fait marcher, c'est comme Pégadel. Les femmes la baby en femme, c'est ça qui a fait bon problème. Les femmes ça a fait marcher, y'a dit c'est femme dollar. Thank you. Bologna. C'est Vandola, il y a tout cette Vandola. Elle dit côté sud-est, c'est Vandola. Il y a nous, c'est Vandola. Marie, côté Juju,